look on. They sail the deep pounded bridge off. This love what he'd been working on. Can Sam told you la la wang do. Si tu veux, je peux la remettre. J'ai la. Je crois que je dois avoir la prise dans les dossiers là. Je dois avoir la prise de chaque instrument si tu veux. Mais je l'ai. Si tu veux, je l'ai en complet. Il y a une deuxième partie en si. La première partie en. Bah, c'est du mi. Hein. Mais ensuite, tu as le refrain qui est en si là. Attends que je le retrouve dans mes dossiers. C'est un morceau de John Mayer qui s'appelle « Slow in Berlin Room ». Mais le riff est sympa. Hein. Il est où ce... Je sais pas, c'est comme tu veux, si tu veux la faire. Hein. Sinon, j'ai d'autres... Ah, tu la veux par mail, tu veux la... Okay. C'est comme tu veux, je peux te l'envoyer par... Je sais pas si le fichier, il est pas trop... Si le fichier il est trop gros, je sais pas. Oui, mais si tu veux, je peux te l'envoyer par mail, là, comme ça tu peux. C'est une version logique. Hein. Oui, je l'ai en piste séparée. Chaque instrument, la basse, tout ça, ouais. Faut que je le retrouve, j'ai un tas de trucs là. Attends, je me reconnecte, hein, j'ai un 6-8 là. Ça, si tu peux la refaire dessus là. Je me reconnecte, hein, reste connecté. Je me reconnecte parce qu'il faut que j'ouvre le fichier, puis après que je me reconnecte encore sur Jamtapa. Thank you.